What? Who's... Yes? Hello? Bonjour, il est 8 heures. What? Bonjour, il est 8 heures. Bonjour. Unité 3. Unit 3. Et nous commençons la troisième unité. And we start the third unit. Avec quelques numéros. With some numbers. Yes, you've already heard the number for one. Un. If it refers to something masculine. And une. If it refers to something feminine. You've also heard the numbers 2 to 5. Deux. Two. Trois. Three. Quatre. Four. And cinq. Five. Here are two other numbers from Unit 2. First, the word for 8. Et maintenant, je vous dis à demain, 8 heures. 8 heures at 8 o'clock. And now the word for 10. We will go vers 10 heures. Vers. At about or around. 10 heures. 10 o'clock. Vers 10 heures. Now, here are the other numbers from 6 to 9. Maintenant, voici les autres numéros de 6 à 9. Écoutez le français. Listen to the French. Ensuite, l'anglais. After that, the English. Et puis, le français encore. Then the French again. Et répétez. And repeat. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 9. 9. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrôlez vos connaissances. Yes, test yourself.